question. Comment faire? La passion. Le corps. Les oiseaux. Les cascades. Baby. Come on, my baby. I must be cool. Like it. We need to restore. I need to restore my rhizomatic system. Oh, such a surprise to find me. Oh, ah, oh. Oasis. Comme une lèvre dans le désert. Une session, une pause dans le désert. Je sais, je le sens, tu le sais. Accéder avec mon Boeing 747 Superjet comme un tapis volant. Comme sur un tapis volant. Yann Le Rouge dans la place, ça vient de France. Au-delà du jet privé, c'est de la poésie. Just for you. Cueillage et cristal. Boeing 747, un jet. Le bunker. Je veux rêver avec la navette, la bateau. Yes, Lord.